de linceul. L'étoffe d'un héros raide dans un cercueil. Il enviait le sort de ses nobles soldats. Il rêvait de leur mort glorieuse, oui, mais voilà. Au paradis en grève, on trouvait plus les clés. À la porte du rêve, Saint-Pierre s'était barré. Il a raté sa mort, c'est du moins ce qu'il dit. Il a raté sa mort, il doit vivre sa vie. Il rêvait de périr au feu ou au combat, dans un avion martyr et comme au cinéma. Donner sa vie, son sang pour secourir les siens, défendre l'innocent, protéger l'orphelin. Il faillit, ce fut juste, bien trépassé, oui, mais du sommeil de l'injuste, la Camargue dormait. Il a raté sa mort, tant pis pour la patrie, tant pis pour le décor, tant mieux pour ses amis. De la vie, c'est ce qu'il est pourtant. Je préfère ainsi, inconnu mais vivant. En père attentionné, en compagnon aimant, en voisin de quartier aimable et souriant. Il a raté sa mort, c'est ce qu'il a fait de mieux. Il est resté à bord, c'est bien plus courageux. Il a raté sa mort pour réussir sa vie. Tu n'es pas d'accord, on s'en fout, c'est ainsi. Tu as raté ta mort, c'est ce que t'as fait de mieux. On a du temps encore avant de se dire adieu. Tu as raté ta mort, oui, mais moi aujourd'hui, chez un copain d'abord, j'ai trouvé un ami. Le jour, elle aura choisi, elle me tendra non pas la main, mais au moins la faucille.